j'ai tout rose dans ma vie. Parce que j'ai du Gucci ou je souris à mes ennemis. La vie d'artiste c'est parano. Tu perds des gens, tu vois le mal partout. Des grosses blessures droit dans le cœur, mais il est très lent le parcours. Pour marcher droit, faut être un loup. C'est les sous qui rendent tous jaloux. Putain, ben je reste loin de vous. Comme ces gens qui veulent prendre tout tout. On vient de la tête sans mon ghetto. T'aurais pas de la frappe au détail. On a tous connu le petit dépôt. Mais sans fierté, on veut pas de médaille. Si c'est à refaire, je ferais pas pareil. Je suis passé par plusieurs étapes. Parle pas du rap, faut une situation durable. Stop sans bâton dans les roues. Éloignez-vous de ceux qui racontent vos petits secrets. Qui jure à l'accès entre nous. Faut partir très très loin de là. Faut faire partir maman de là. J'veux pas de peine à la Mandela. Elle est là. Parce qu'on parle mal, mais nous on a pied dans la piste. Faut pas croire qu'on a des sous, on se débrouille comme tous mes glazus. On vend pas de cheat, on passe des 10 heures dans le stud. Et dis-leur à tous ces gens, j'arrive et je vais tout niquer. T'as besoin de dire qu'au début j'ai cru, toi t'allais nier. Et dis-leur à tous ces gens, j'arrive et je vais tout niquer. T'as besoin de dire qu'au début j'ai cru, toi t'allais nier. On se revoit sur des coups de vent. J'avoue à toi, je repense souvent. Ils défient les gens dans l'allée. Je repense à l'époque du palier. Yeah, yeah, yeah. Faut partir très très loin de là. Faut faire partir maman de là. Partir ma Mandela, je veux pas de peine à la Mandela, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle.